Il faut dire que c'est la première fois que le spectacle, la comédie musicale, est monté en français. Et j'étais là cette semaine, j'étais parmi les privilégiés qui assistaient à la première de Chantons sous la pluie. Deux choses. Premièrement, René Simard, absolument extraordinaire. J'en aurais pris plus. René Simard qui fait la split encore à 50-quelques années, c'est extraordinaire à voir et ça vaut le coup du billet dans son numéro parce qu'il y a un numéro solo, René Simard, en réalité. C'est ça qu'il faut se dire. Je pensais qu'il allait revenir en deuxième partie avec un autre numéro un peu plus solo, mais non. Ça m'a fait penser que j'aurais mis René Simard dans le rôle de Don Lockwood, qui était interprété à l'époque par Gene Kelly et qui met en vedette cette fois-ci Renaud Paradis, qui n'est pas toujours très à l'aise en claquettes et en chant. Et donc, même si René Simard, ça aurait été un anti-casting dans le personnage de Don Lockwood, parce qu'il est plus vieux que le personnage, je l'aurais fait pareil. Et j'ai de la difficulté à comprendre que Denise Filiatro n'ait pas osé faire ça, elle qui ose beaucoup. Ceci dit, c'est un spectacle quand même qui vaut la peine d'être vu. Ne serait-ce par exemple que pour les claquettes, si vous aimez la claquette, là, vous allez être servi. Ou encore la performance de Pascal Desrochers, parce que, bien sûr, l'histoire raconte des acteurs de cinéma muet qui ont un petit peu de difficulté à passer au cinéma parlant, et Pascal Desrochers particulièrement, que vous avez pu voir dans Virginie, elle est étincelante dans Chantons sous la pluie, vraiment, elle nous fait beaucoup rire. Sinon, attention aux gens qui ont des billets dans les rangées de A à E, vous allez être éclaboussés par la pluie, je vous le dis tout de suite. Les chansons en français, des fois ça donne de bon, des fois ça donne quelque chose d'intéressant, mais Chantons sous la pluie en français, je suis pas certaine. Des fois, il y a des chansons que c'est vraiment... ça marche pas, tout simplement. Ça ne marche pas, puis il y a des chansons en français, ça marche. Il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de mouvements, ce qui nous fait un peu oublier que des fois, il y a quelque chose qui ne colle pas, qui marche pas. Le fait qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait énormément de tableaux, énormément de danse, on passe par-dessus ça et on vit quand même un très, très bon spectacle. Je vous fais une critique assez dure, mais j'ai pas le choix parce que quand le billet coûte 100 $, chaque billet, 200 $, vous allez souper à Montréal en plus, vous en sortez avec une soirée à 250 $, faut se dire les vraies affaires. Donc, mois d'août, c'est complet à la salle Pierre-Mercure, mais au Théâtre Saint-Denis, il reste encore des billets et malgré tout ce que je vous ai dit, ne serait-ce que pour René Simard, ça vaut vraiment la peine d'y aller.